إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من الشعائر العظام تهفو إليه الأفئدة وتحن إليه القلوب وتتوق النفوس في أشهره إلى زيادة تلك البقاع الطاهرة ولقد شرع الله الحج لعباده لما في ذلك من المصالح العظيمة والحج مفروض على العباد المكلفين المستطيعين السبيل إليه كما دل عليه كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم ولهذا وجب على كل مستطيع أن يتعجل الحج فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وعنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني فاحرصوا على المبادرة بأداء هذه الشعيرة العظيمة قبل أن يحال بينكم وبينها وتعالوا معي كي نتعرف على صفات وعلامات وفضائل الحج المبرور قبل الشروع فيه حتى ننال الأجور المترتبة على تحقيقه فليس كل الناس يحج حجا مبرورا إذ قد يعتري الحج ما يخرجه عن وصف البر فمن الحج ما يجزي عن صاحبه ومنه ما يتحصل به الحاج على ثواب دون الحج المبرور ومن الناس من يحج حجا مبرورا جزاؤه الجنة فما هو الحج المبرور؟ قيل الذي لا يخالطه شيء من المأثم وقيل المتقبل وقيل الذي لا رياء فيه ولا سمعة هذه وهذه الأقوال كلها متقاربة. عباد الله، يشترط لتحقيق الحج المبرور شروطا، منها الشرط الأول أن يكون الحج خالصا لله، وذلك أن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله والتقرب إليه سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان حج، وإنما يريد وجه الله. الشرط الثاني للحصول على ثواب الحج المبرور أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجي هذه، رواه مسلم. الشرط الثالث أن يكون الحج بنفقة المال الحلال، أي من مال مباح ليس حراما، بأن لا يكون من ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المفاسد المحرمة، بل يكون مال حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، رواه مسلم. والشرط الرابع أن يكون خاليا من الجدال والرفث والفسوق، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. فيتجنب الحاج الرفث وهو الجماع ودواعيه، ويتجنب الفسوق سواء كان في القول المحرم كالغيبة والنميمة والكذب، أو الفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك، والجدال المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج، وهذه تنقص الحج كثيرا. ولكن يعني إذا يعني الجدال من غير داع، يعني كيتحاشون أيهم يتقدم، أو عند رمي الجمرات أو عند المطار أو ما أشبه ذلك، هذا كله ينقص الحج، فلا بد من ترك الجدال. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والشرط الخامس أن يخلو من خوارم المروءة، ويشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، ومن ذلك عدم الإيذاء والمزاحمة والإفساح للضعيف والمرأة ونحوه. عباد الله، ومن فضائل الحج المبرور أنه من أفضل الأعمال عند الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور، رواه البخاري ومسلم. وأنه من أسباب مغفرة الذنوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم. وأن الحج المبرور جزاؤه الجنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري. وأن الحج المبرور يهدم ما قبله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. والحج المبرور ينفي الفقر والذنوب. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي. فاحرص أيها المسلم يا من نويت الحج لبيت الله الحرام أن يكون حجك مبرورا صحيحا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Serviteurs d'Allah, craignez Allah et préservez-vous de lui en faisant les bonnes œuvres et en vous écartant de ce qu'il vous a interdit. Et sachez que parmi les cinq piliers de l'islam, il y a un des piliers qui est le Hajj et qui est un des rites parmi les actes d'adoration les plus importants dans l'islam. Et il n'y a pas de doute que cette adoration et ce pilier qui a lieu durant le mois de Dhul-Hijjah, eh bien, il approche rapidement. Ceux qui ont fait ou qui ont eu l'intention de partir pour le Hajj cette année, alhamdoulillah, s'ils se sont déjà préparés, ils ont déjà acheté leur billet d'avion et leur visa et ils se sont préparés pour partir cette année, eh bien, alhamdoulillah, que Allah subhanahu wa ta'ala les aide et accepte d'eux cette intention et fasse que ce soit facile pour eux. Tandis que ceux qui n'ont pas encore eu cette intention pour cette année, eh bien, on espère, inshallah, que ce sera l'année prochaine ou bien lorsqu'ils en auront la capacité, bi'idhnillah. Et donc, c'est une adoration importante puisque c'est un pèlerinage béni vers les lieux saints et les lieux sacrés de l'islam, le lieu dans lequel les prophètes ont marché. Le prophète Abraham, qui a construit cette maison avec son fils Ismaïl à Mecca, dans cette ville bénie, et un lieu dans lequel chaque prière que quelqu'un fait vaut 100 000 prières. Il y a dans le Hajj des grandes bénédictions et des grands bienfaits pour celui qui accomplit cette adoration-là. Et c'est une obligation parmi les obligations de la religion de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet ce qui signifie, et c'est une obligation de la part d'Allah pour les hommes qu'ils accomplissent le Hajj à la maison sacrée pour celui qui en a la capacité. Et quiconque renie la foi, alors certes Allah peut se passer complètement de tous les mondes. Et donc ça, c'est ce qui implique que le Hajj est une obligation pour tout le monde, sans exception. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux gens dans un sermon et il leur a dit « Oh, vous les gens, Allah vous a rendu obligatoire de faire le Hajj, alors faites le Hajj. Et parmi les gens qui étaient présents, il y en avait un qui était là et qui a demandé « Oh, messager d'Allah, est-ce que c'est à chaque année ?» C'est-à-dire, est-ce que c'est à chaque année que c'est obligatoire? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tu. Il ne lui a pas répondu. Et la personne a répété sa question 2 fois, 3 fois. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et si je réponds, et si j'avais répondu oui, eh bien ça serait devenu obligatoire chaque année et vous n'auriez pas été capable. Alors laissez-moi, tant que je vous laisse, parce que les gens avant vous ont uniquement péri à cause de la grande quantité de leurs questions et de leurs divergences avec leurs prophètes. Alors si je vous ordonne quoi que ce soit, alors faites-en ce que vous en êtes capable. Et si je vous interdis une chose, alors abstenez-vous-en, écartez-vous-en. Et donc c'est pour expliquer que le hajj est une obligation pour la personne qui a la capacité, pour la personne qui en a les moyens. C'est-à-dire qu'elle est capable de se payer le voyage et de faire le trajet avec un moyen de transport quelconque et d'aller à sa destination et de revenir, hein, avec la provision nécessaire pour être capable de vivre pendant son voyage et avec, bien entendu, la subsistance nécessaire à sa famille pendant son absence. Donc, si quelqu'un a l'argent nécessaire pour payer le voyage, le moyen de transport, et qu'il sait que le chemin est sécuritaire pour atteindre sa destination et pour revenir, et également qu'il possède les biens ou la nourriture pour que sa famille puisse manger et avoir tout ce qu'il lui faut pendant son absence jusqu'à son retour, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour lui. Bien entendu aussi s'il a la capacité physique. Mais si la personne, par exemple, a une incapacité physique ou qu'elle est malade, si c'est une maladie temporaire, bon, elle va remettre le hajj jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé et qu'elle soit guérie. Toutefois, si c'est quelque chose qui est permanent et que cette personne est dans l'incapacité, et cette incapacité-là, c'est quelque chose qui est permanent chez elle, elle peut donner l'argent à quelqu'un qui va aller accomplir le hajj pour elle. Bien entendu, cette condition-là, c'est par rapport à la personne qui a déjà fait le hajj auparavant. C'est-à-dire que si quelqu'un va faire le hajj pour une autre personne, il faut qu'elle-même ait déjà fait son hajj à elle en premier, pour qu'elle puisse par la suite faire le hajj pour une autre personne. Donc tout ça, c'est parmi les règles qui sont concernant le hajj. Bien entendu, si c'est une femme, elle doit avoir avec elle un mahram pour voyager, puisque elle ne peut pas voyager seule. Alors, parmi les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné au sujet du hajj, il a incité les gens à se dépêcher de faire le hajj, contrairement à ce que les gens d'aujourd'hui ont l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'ils laissent le hajj très très longtemps. Hein? Ils le délaissent jusqu'à très tard, et parfois même jusqu'à ce qu'ils deviennent âgés, fatigués ou malades. Et ça, c'est une erreur, parce que lorsqu'on retarde le hajj sans raison ou sans excuse valable, eh bien, c'est un grand risque. Premièrement, on ne sait pas si on va être en forme ou en santé. On ne sait pas non plus si on va mourir. Donc, lorsqu'on a les moyens et lorsqu'on a la capacité et qu'on possède les conditions nécessaires pour être capable de faire le hajj, alors il faut l'accomplir. Il ne faut pas remettre ça à plus tard. Et on voit que parfois les musulmans qui viennent de différents pays, qui vivent ici par exemple au Canada, à chaque année, peut-être ils vont voyager dans leur pays d'origine pour aller visiter leur famille, leurs parents, leurs proches, et leur ramener des cadeaux à chaque année. Par contre, ils délaissent le hajj, qui est une obligation dans la religion de l'islam. Donc, s'ils ont les moyens de voyager dans leur pays chaque année pour faire des vacances, ils ont les moyens de faire le hajj. Et donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas d'excuse de le retarder à des années plus tard. D'accord? Donc, ça, c'est très important. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit justement, précipitez-vous, dépêchez-vous à faire le hajj, parce que l'un d'entre vous ne sait pas ce qui peut lui arriver. Et dans un autre hadith, une autre narration de ce genre, il dit, celui qui veut faire le hajj alors qu'il se précipite, car il peut tomber malade, ou bien il peut s'égarer, ou bien il peut lui arriver quelque chose. Hein? Il peut avoir un besoin quelconque qui fait qu'il ne soit plus capable de le faire. Et donc, de se précipiter à le faire et de regarder également à ce que lorsqu'on va accomplir notre hajj, de l'accomplir de manière à ce que les conditions et les caractéristiques de ce hajj fassent que ce soit un hajj qui est accepté d'Allah et qui est basé sur al-birr, sur la bonté, et qu'il soit mabrour. Et parmi les caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées au sujet du hajj mabrour, il a dit que c'est un hajj si tu le fais. Hein? Certains ulama ont dit, c'est-à-dire que un hajj que tu fais dans lequel il n'y a aucun péché, ou bien le hajj qui est accepté d'Allah, ou le hajj dans lequel il n'y a pas d'ostentation, hein, de vouloir se faire voir ou de se faire entendre. Donc, celui qui fait un hajj qui est mabrour, eh bien, il n'aura d'autre récompense que le paradis. Et dans d'autres narrations, il dit, il reviendra comme le jour où sa mère l'a mis au monde, c'est-à-dire nettoyé de tout péché. Hein? C'est comme s'il repart à zéro. Et parmi les conditions que les ulama ont mentionnées pour que le hajj soit considéré un hajj mabrour, parce que ce n'est pas tout le monde qui font le hajj, comme on l'a dit, qui reviennent nécessairement comme ça, hein, avec le hajj tel qu'il a été mentionné comme étant mabrour. Peut-être que certaines personnes, ils vont revenir avec la moitié de la récompense seulement, hein, ou moins que ça, ou plus, selon la situation de la personne. Mais les ulama ont mentionné premièrement comme condition que le hajj soit fait avec ikhlas, avec pureté d'intention et avec sincérité. Et non pas pour se faire voir des gens ou avoir la réputation d'avoir fait le hajj, ou pour que les gens te disent « Ah, toi, t'es un hajj. Hein? » Il ne faut pas que ce soit pour ça. Et il ne faut pas non plus que la personne qui accomplisse son hajj soit quelqu'un qui commet du shirk ou qui fasse du shirk, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui adorent les tombes. Parmi les musulmans, il y en a qui adorent des tombes ou des saints. Et quand avant de partir au hajj, ils vont à la tombe d'un wali pour demander la protection, au lieu de demander la protection d'Allah. Puis ils partent au hajj et ils vont accomplir ce hajj. Et ils reviennent dans leur pays et ils retournent à la tombe pour remercier le wali de lui avoir permis de faire ce voyage et d'être venu en sécurité. Donc, avant de partir, il a fait le shirk pour y aller. Et en revenant, il a détruit la récompense de son hajj en faisant le shirk encore une fois. Donc, le hajj qui est fait par ce genre de personne n'aura aucune récompense et aucune valeur. De même qu'il doit être en accord avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que malheureusement, les gens, souvent, quand ils vont au hajj, eh bien, s'ils n'ont pas étudié les règles du hajj avant de partir, eh bien, ils sont là-bas et il est trop tard une fois sur place pour étudier. Donc, il fallait étudier à l'avance. Et maintenant, une fois arrivé sur place, ils regardent qu'est-ce que les autres font et ils disent, oh, eux, ils font ça, ok, moi aussi, je vais le faire. Alors qu'ils ne savent pas qu'en réalité, ces gens-là ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, eux non plus. Donc, ils les suivent dans n'importe quoi, au lieu de se baser sur l'exemple du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a accompli un hajj, hein, durant sa vie. Et ce hajj-là, quand il l'a fait, il a dit, regardez ce que je fais et prenez vos rites de ce que je fais, de mon exemple. Parce que peut-être que je ne pourrai pas faire le hajj une autre année. Donc, c'est-à-dire, profitez du moment que je suis là encore avec vous. Parce que peut-être que je vais, hein, Allah va prendre mon âme bientôt. Et donc, je ne pourrai pas refaire un autre hajj. Donc, si vous voulez connaître les rites du hajj, suivez mon exemple. Et les sahabas observaient l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'est-ce qu'il faisait pendant le hajj. Et ils ont transmis les détails de son hajj pour qu'on puisse justement faire le hajj d'une manière qui est en accord avec sa sunna. Parmi les conditions également, c'est que le hajj que tu fais doit être avec de l'argent halal. Si ton hajj est fait avec de l'argent qui est haram, Allah ne va pas l'accepter. De même que parmi les conditions, si tu fais le hajj, il ne faut pas que dans ce hajj-là, tu te disputes avec les gens ou que tu fasses tu parles de sujets obscènes ou des choses qui ont rapport avec les rapports intimes avec la femme, ou bien de faire des péchés. Donc, si tu fais ça pendant le hajj, tu risques de diminuer la valeur de ton hajj et de diminuer également la récompense. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans le Coran. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Donc tu ne vas pas te disputer avec les gens, tu ne vas pas bousculer les gens, tu ne vas pas faire des péchés, tu ne vas pas faire des choses de ce genre pendant ce hajj-là, parce que toi tu veux la récompense complète. Également, parmi les conditions, c'est d'adopter le bon comportement et d'avoir les bonnes morales pendant ton voyage. Et celui qui agit de cette manière, eh bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans les hadiths authentiques, il reviendra comme le jour dans lequel sa mère l'a mis au monde, et il n'aura de récompense que le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné aussi que d'une umrah à l'autre et d'un hajj mabrour, hein, celui qui fait le hajj mabrour, et d'une umrah à l'autre, il y a une expiation entre les deux, et le hajj al-mabrour n'a d'autre récompense que le paradis. Et également, à propos du hajj al-mabrour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon: ne sais-tu pas que l'islam détruit tout ce qu'il y avait comme péché auparavant, et que la hijra, quelqu'un qui quitte un pays de kufr pour aller vivre dans un pays de l'islam avec l'intention de préserver sa religion, s'il fait ça, Allah lui efface tous ses péchés précédents. De même que la personne qui fait le hajj al-mabrour, Allah lui efface tous ses péchés précédents. Et on a demandé également au prophète sallallahu alayhi wa sallam laquelle des actions est meilleure. Il a dit de croire en Allah et en son messager. Et puis il a dit laquelle ensuite. Il a dit le fait de faire le jihad dans le sentier d'Allah. Et il a dit, et quelle ensuite. Il a dit un hajj mabrour. Donc ça veut dire que ça fait partie des meilleures œuvres que quelqu'un peut faire dans sa religion. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et de prendre cette adoration-là avec beaucoup d'importance, et de mettre notre intention, si on ne peut pas la faire cette année, l'année prochaine, ou bien aussitôt qu'on a les moyens et la capacité, et de ne pas remettre ça à plus tard à chaque fois, inutilement ou sans excuse valable. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم